dans les rues de la banlieue. Te souviens-tu de ce concert qui n'a pas eu lieu? Nous n'étions pas les seuls ce soir à nous la donner. Les hommes de Pasqua nous vont chercher de frapper. Merci, y'a pas de quoi. Ils nous ont embarqués direct sur le commissariat. Entassés et fouillés à poil, même pour les gros bras. Hey, toi, te souviens-tu? Épilogue, ou la fin d'une grande aventure. Remonter dans les cars, destination inconnue. Remonter dans les cars, destination inconnue. Sur l'autoroute d'un par, nous sommes descendus. Sur l'autoroute d'un par, nous sommes descendus. Loin de pas chacun pour soi, nous sommes rentrés.